poco. Et c'est vrai, on t'a pas menti. Ça voulait tout pas de j'aime remembre. Ou fait toute vie ou ap maltraité. Ça m'a gardé aussi m'a souffri. Même si ou ne gagne, pas pleurete. Ou comme nous l'aime, mais ou pas changé. Chaque ça ou fait, ma vie la gécha. Même la pirouette. Faut j'en pour moi, m'a si bien. Moi la virette. Chaves.